50 languages. 98. 98. Conjonction double. Conjonction double. كانت الرحلة جميلة ولكنها مضنية. Le voyage était certes beau, mais trop fatigant. Le voyage était certes beau, mais trop fatigant. وصل القطار في موعده ولكنه كان مليئا. Le train était certes à l'heure, mais complet. Le train était certes à l'heure, mais complet. كان الفندق مريحا ولكنه غاليا. L'hôtel était certes agréable, mais trop cher. L'hôtel était certes agréable, mais trop cher. سيستقل إما الحافلة أو القطار. Il prend soit le bus, soit le train. Il prend soit le bus, soit le train. سيأتي إما مساء اليوم أو صباح الغد. Il vient soit ce soir, soit demain matin. Il vient soit ce soir, soit demain matin. سيسكن إما عندنا أو في فندق. Il loge soit chez nous, soit à l'hôtel. Il loge soit chez nous, soit à l'hôtel. إنه يتكلم الإسبانية كما الإنجليزية. Elle parle non seulement l'espagnol, mais aussi l'anglais. Elle parle non seulement l'espagnol, mais aussi l'anglais. عاشت في مدريد كما في لندن. Elle a vécu non seulement à Madrid, mais aussi à Londres. Elle a vécu non seulement à Madrid, mais aussi à Londres. إنها تعرف إسبانيا كما تعرف إنجلترا. Elle connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre. Elle connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre. إنه ليس غبيا فقط بل وكسولا. Il est non seulement bête, mais aussi paresseux. Il est non seulement bête, mais aussi paresseux. هي ليست جميلة فقط بل وذكية. Elle est non seulement jolie, mais aussi intelligente. Elle est non seulement jolie, mais aussi intelligente. لا تتكلم الألمانية فقط وإنما الفرنسية أيضا. Elle parle non seulement l'allemand, mais aussi le français. Elle parle non seulement l'allemand, mais aussi le français. Je ne sais jouer ni du piano, ni de la guitare. Je ne sais jouer ni du piano, ni de la guitare. لا أرقص الفالسا ولا السامبا. Je ne sais danser ni la valse ni la samba. Je ne sais danser ni la valse ni la samba. لا أحب الأوبرا ولا رقصة البالي. Je n'aime ni l'opéra ni le ballet. Je n'aime ni l'opéra ni le ballet. كلما أسرعت في العمل كلما انتهيت مبكرا. Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé. Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé. كلما أبكرت في القدوم كلما أبكرت في الذهاب. Plus tôt tu viens, plus tôt tu seras parti. Plus tôt tu viens, plus tôt tu seras parti. كلما تقدم الإنسان بالعمر كلما أصبح أكثر رضا. Plus on vieillit, plus on aime se mettre à l'aise. Plus on vieillit, plus on aime se mettre à l'aise. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.